Seul dans cette froide cellule, je regarde se coucher le soleil. Ma vie est un véhicule immobile dès ce soir, ma belle. Je pense à ma défunte famille, perdue quelque part je ne sais où, ou tuée par je ne sais qui. Le monde est bien devenu fou, massacré pour un grand cœur rendu. Est-ce bien ça mourir pour des idées? 10 millions d'Algériens dans le mépris, morts cette nuit pour un certain Sarkozy. Merci la vie. Honnêtement, contrairement à la plupart des ouvriers français, j'avais un énorme respect pour mon pain et pour mon gîte. Oui, la France et ses libertés. Oui, mais j'avais pensé trop vite. Ma brune couleur de peau m'aura trahi, moi qui me serais contenté du RMI. Quelle est belle la démocratie. En souvenir d'un certain Sarkozy, merci la vie. Sarkozy, merci la vie.